Chapitre 3e. Nouveau silence dans l'assemblée, ému jusqu'aux ongles. Le médium, prêt à recevoir la réponse de Socrate, a la main en arrêt sur la table. Son crayon plane sur la surface du papier. Il attend. Bientôt la main et le crayon glissent, un mot est tracé. Le président étend le bras, prend le papier, lit la réponse dictée par Socrate au médium. Cette réponse est « oui ». L'assemblée se dilate de bonheur. Socrate, par notre très honorable médium, va donc répondre aux questions qui lui seront posées, dit le président à l'assemblée. L'assemblée se félicite de ce premier résultat obtenu et se consulte de place en place pour savoir quelles questions on fera à Socrate. Expression de la majorité, une question est envoyée au président qui la transmet à haute voix à Socrate. Question. Détruirons-nous Cherbourg ? Une pareille question soumise sans rire à un philosophe grec mort depuis plus de 2000 ans me ravidaise à l'endroit du béotisme anglais. Socrate répondit au béotien de Brighton. Les esprits ne répondent jamais aux questions qu'on leur adresse dans le but évident de mettre leur infaillibilité à l'épreuve. Un grognement général fut sur le point d'éclater contre le vénérable Socrate, refusant net de dire si les Anglais nous prendraient Cherbourg. Les assistants se disaient, avec quelque raison entre eux, que si les esprits ne répondent pas aux questions qui concernent l'avenir, il est parfaitement inutile de les interroger. Ils doivent répondre sur tout et être infaillibles. Ce fut à travers ces signes bruyants et manifestes de mécontentement qu'un cri, dont les conséquences furent inouïes pendant cette mémorable soirée, passa par-dessus les banquettes et alla s'épanouir dans l'hémicycle occupé par le médium et le président, à qui ce cri s'adressait dans un but impossible d'abord à deviner. Ce cri était celui-ci. « Master Packington, ohé ohé !» Chacun reconnut la voix rauque d'un matelot, une voix humectée par le djinn, dans ce nom jeté au front de l'assemblée. On n'y attacha pas grande attention d'abord. Le président ayant annoncé à la noble réunion qu'il y avait des questions moins brûlantes que celles qui avaient été sur le point d'obscurcir la glorieuse notoriété et le brillant patronage de Socrate, cette autre question, adoptée à l'unanimité, fut transmise au philosophe d'Athènes. Socrate, pouvez-vous nous faire connaître tous les secrets perdus pour l'humanité par l'incendie de la grande bibliothèque d'Alexandrie ? En attendant que Socrate ait daigné répondre, nous répondrons ceci aux incrédules qui nous demanderaient pourquoi le médium n'avait pas dit tout simplement oui quand on lui avait demandé « Les Anglais prendront-ils Cherbourg ?» Les médiums se gardent bien d'être aussi coulants. D'abord, leur science ne tarderait pas à succomber sous les démentis. Ensuite, elle n'exciterait plus aucune passion. Et sans les passions, que deviendrait-elle ? Que deviendrait-elle ? Socrate répondit. Oui, je puis faire connaître tous les secrets perdus pour l'humanité par l'incendie de la grande bibliothèque d'Alexandrie. La salle trembla au bruit des applaudissements. Socrate reprenait faveur. Il avait la corde. Socrate, dites-nous donc ces secrets. La foule n'eut plus qu'une oreille pour écouter. Le grave et narquois athénien dit au milieu du recueillement général. Oui, je connais ces secrets. Je pourrais les révéler, mais je m'en garderai bien. Pourquoi cette crainte ? Pourquoi cette réserve ? Pourquoi ce silence ? Pourquoi cette discrétion ? Oui, pourquoi ? Pourquoi ? 2000 pourquoi furent lancés de toutes les directions contre Socrate, qui, sans s'émouvoir, répondit par les doigts du médium. Parce que la mission des esprits n'est pas de faire l'ouvrage des hommes, que Dieu a placé sur la terre pour travailler péniblement à la découverte des sciences. La science est le bien, et le bien est une récompense. Toute récompense doit s'acheter par le sacrifice ou le travail. Cette fois, les grognements, les clameurs partirent de toutes les bouches indignées contre Socrate. Ah, comme Manitus avait bien fait de le dénoncer au poison, ce vieil inutile! Cependant, le président ayant fait observer avec un grand sens dans ses paroles que si l'on insultait ainsi Socrate, Socrate se retirerait dans le monde des esprits et ne se déplacerait plus pour répondre. Les grognements s'éteignirent peu à peu et ne furent plus bientôt que le murmure persistant d'une plage où la tempête s'est retirée. Au-dessus de ce murmure, on entendit éclater de nouveau ce cri « Master Packington, ohé, ohé !» Cette fois, l'assemblée entière cria silence au marin, submergé dans le grog et accroché aux dernières banquettes de la salle. Mais lui de reprendre « Master Packington, ohé, ohé !» Mais silence, silence donc « Master Packington, Master Packington, silence, à la porte !» ont dû se rendre maîtres du perturbateur, il se tut. « Messieurs et mesdames, reprit alors le président, on me prie de plusieurs parties de la salle de m'informer auprès de Socrate de ce que fait Shakespeare là-haut. « Oui, oui, Shakespeare, Shakespeare !» L'unanimité chaleureuse avec laquelle le nom de Shakespeare fut acclamé ne permit aucun doute au président sur le vœu de l'Assemblée. À l'énergie de ce vœu, on eût dit qu'elle se repentait de n'avoir pas songé plus tôt au grand poète de l'Angleterre et du monde. Son emportement enthousiaste avait l'air d'une réparation. Je crus être transporté sous le règne d'Élisabeth, assister à une première représentation de Roméo et Juliette ou du roi Lear, et de me trouver au milieu du public demandant le nom de l'auteur de la pièce que l'on avait l'honneur de jouer devant lui. On trépignait, on battait les mains, on était fou. « Socrate, dit le président, êtes-vous toujours là ?» Le silence se rétablit un instant. « J'attends vos ordres, répondit Socrate. Le président Arthur Daniel dit alors à l'ami de Platon, « Pourriez-vous nous apprendre si Shakespeare serait disposé en ce moment à converser avec des compatriotes qui l'aiment, l'admirent et le vénèrent ?» Socrate, toujours par l'intermédiaire de M. Ralph de Ralph, répondit presque immédiatement, « Il est disposé. » Il y eut alors autour de moi la répétition du délire bruyant, universel, qui avait agité toutes les têtes au nom de Shakespeare. Le dieu de la poésie dramatique condescendait à sortir de son repos et de son immortalité pour venir à Brighton visiter les arrière-petits-neveux de l'heureuse génération qu'il avait applaudi vivant. Je n'étais pas loin, je l'avoue, d'être au niveau de cette folie de croire que Shakespeare allait réellement descendre en esprit au milieu de nous. L'ivresse générale me gagnait, m'envahissait. J'avais foi à mon tour au spiritisme, foi dans le brave président Arthur Daniel, au gros favori rouge, foi dans le médium. Mon heure d'incrédulité touchait à sa fin. Mon scepticisme expirait, mon voltairianisme surtout coulait à fond. Depuis longtemps, j'en ai jeté une assez forte partie à la mer par le fait acquis et immuable de mon adoration pour l'auteur de Macbeth. Une autre partie se détachait de moi à cette minute de fanatique ralliement au spiritisme. Cela étonne sans doute qu'on croit si vite et pour de telles raisons. Mais pour quelle autre raison, je le demande avec toute ma naïveté, croit-on dans certaines religions qui auraient depuis longtemps disparu du monde, sans la majesté des temples, sans la somptuosité des dorures, sans les accords énervants de la musique et des voix, sans la vapeur vertigineuse et douce de l'encens, sans l'effet habilement calculé des lumières, sans l'influence de gens qui depuis le berceau vous crient « Cette religion est la bonne, croyez, cette religion est la vraie, croyez, cette religion est la seule, croyez. » Voilà pourquoi on croit. N'allez pas plus loin. Et le raisonnement? Quel raisonnement? Que désire demander à Shakespeare l'aimable réunion que j'ai l'honneur de présider? Une voix répondit pour toute l'aimable réunion. Celui de ses ouvrages dramatiques qu'il préfère. La main du médium courut sur le papier. Le président lut ensuite la réponse de Shakespeare. Ici où je suis, on n'aime guère les ouvrages, quels qu'ils soient, qu'on a faits sur la terre. Mais s'il faut avouer ma faiblesse, celui de mes ouvrages que je suis le moins mécontent d'avoir produit, c'est Hamlet, prince de Danemark. » La foule applaudit, il se prépara à adresser d'autres questions à Shakespeare. Nous donnerons la réponse à ces nouvelles questions sans répéter davantage la mise en scène des moyens et des procédés à travers lesquels elles passèrent pour parvenir du fin fond du royaume des esprits jusqu'à nous. Cette mise en scène étant toujours la même, il serait fastidieux de la reproduire à chaque pas. Nous agirons comme si le public était en communication intense et directe avec William Shakespeare lui-même. Shakespeare, y a-t-il beaucoup de vos drames joués aujourd'hui qui soient tels que vous avez écrits? Réponse, il n'y en a aucun. Chuchotement de surprise et de désappointement parmi les idolâtres shakespeariens. Shakespeare, vous reconnaissez-vous l'auteur de tous les drames qu'on vous attribue? Oh non, il s'en fout. Désenchantement prêt à protester contre Shakespeare lui-même. Combien y en a-t-il que vous n'avouez pas? Il y en a 8, au moins. Cris de doute et de dénégation de toutes parts. On se calme quelque peu en disant que Socrate et le médium ne se transmettent pas avec exactitude les signes télégraphiques de l'autre monde. Est-ce que vous n'avez rien fait du tout à ces 8 ouvrages que vous désavouez? Bien peu de choses. Qui donc les a écrits? Des comédiens, des directeurs de troupes ambulantes, plus tard des libraires, enfin un peu tout le monde. L'abattement est inimaginable autour de moi. comme ces 8 ouvrages retranchés de l'œuvre colossale du poète l'empêchaient d'être toujours aussi haut dans l'admiration des siècles. Shakespeare, dites-nous pourquoi les Anglais n'ont plus eu de bons écrivains dramatiques depuis vous. Parce qu'ils ont des critiques. Mais de votre temps, il y avait des critiques aussi. Il n'y avait qu'une critique sérieuse de mon temps, l'opinion. Après ces questions toutes littéraires, il se produisit un repos dans l'assemblée, qui ne me parut pas charmé jusque-là de cette dernière excursion dans les régions des esprits. Pourtant, elle ne consentit pas à se séparer de son cher poète national sans lui poser les questions suivantes. « Shakespeare, avez-vous aimé ?» Les jeunes ladies présentes ne sourcillèrent pas. Retard dans la réponse de Shakespeare, second appel plus pressant. « Shakespeare, avez-vous aimé ?» Second retard plus long que le premier. Troisième appel encore plus pressant. « Shakespeare, avez-vous aimé ?» Réponse de Shakespeare. « Laissez-moi tranquille, je ne répondrai plus. » Une grande confusion parmi les assistants suivit cette réplique si difficilement obtenue du grand poète, dont on eut la maladresse, il paraît, d'exciter le mécontentement. Il est reconnu que les esprits demandent à être traités avec une grande douceur, ou bien ils fausse compagnie. Il s'écoule plusieurs séances avant qu'on parvienne à opérer avec eux un raccommodement. La rancune les accompagne dans le monde immatériel où ils vont en quittant celui-ci. Oui, les esprits sont très rancuniers. Je parle des bons. Les mauvais esprits ont bien d'autres défauts. Depuis la boutade de Shakespeare, les opinions en faveur du spiritisme, contre le spiritisme, livrées à elles-mêmes, allaient grand train. Elles n'auraient jamais fini de se reproduire si l'interrupteur infatigable, infernal, que je croyais cloué, étouffé sur son arrière-banc ou chassé, n'eût encore troublé tout à coup les commentaires par son exclamation devenue plus impérieuse, d'une compression malheureusement insuffisante. « Master Packington, ohé ! Master Packington ! Master Packington !» La consternation fut générale. « Mais que voulait donc cet homme avec son monsieur Packington, dont il nous assourdissait depuis plus de 3 heures ?» « Puisqu'on ne peut venir à bout de cet homme, dit le président, qu'on l'amène ici près de nous, et que 4 gentlemen de bonne volonté le gardent à vue pendant le reste de la séance. » L'ordre de M. Arthur Daniel fut exécuté avec la promptitude d'une mesure dictée par le salut commun. Un groupe se détacha et alla chercher le perturbateur au fond de la salle où il se cachait. Il fut ensuite porté de main en main au-dessus de la foule jusqu'à la première banquette, et là, placé entre quelques solides gentlemen qui se proposèrent de ne pas le perdre de vue. Dans cette circonstance, j'eus lieu d'estimer une fois de plus le respect de l'homme pour l'homme en Angleterre. Rien n'était plus facile que de jeter l'agitateur à la rue dont nous étions séparés que par la faible cloison d'un tambour. En France, les choses ne se seraient pas à coup sûr passées ainsi. Le héros du trouble ne n'aurait pas été quitte même pour l'expulsion. Il serait allé très probablement coucher à la salle de police. En Angleterre, on se bornait à le mettre en suspicion sous la sauvegarde de l'Assemblée. Je vis alors de près cet infatigable turbulent.